Galaxy. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de Galaxy en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, soyez les bienvenus en ce 30 avril. Bienvenue, c'était Florent justement avec une nouvelle émission. Inauguration. Champagne. Est-ce que c'était une émission en public? Ah bah, il y avait du public, il y avait un monde fou dans les studios, c'était impressionnant. Il y avait un monde fou et tout, le téléphone a sonné, il fait gagner des entrées pour Lucky les polices, il y avait plein de choses. J'écoute un petit peu, on remarque que j'étais sur la route. Bien, merci. Ouais, bah, t'as une belle voix, mais par contre, baisse ton bête. Non, c'est un petit private joke entre nous. Bon, restez avec nous, vous êtes sur Galaxy, donc le Flycase, c'est parti. Jusqu'à 18h avec cette semaine, et bien pas trop de changements, Avis. Je vous rappelle, le numéro 1 de la semaine dernière, c'était Denis Clouse avec Sea Line Woman. On sera-t-il encore question, rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. Bon, allez, deux entrées, deux sorties. Allez, on y va. Deux entrées, deux sorties cette semaine. Koyou avec Who's Wearing the Trousers. C'est une sortie. Elle a sorti également de Oxy avec Feelings. C'était le remix de Olivier Giacomoto. Numéro 20. Allez, on est parti, l'antenne en rouge tout de suite avec Claude Vansrock. C'est la dernière semaine, à mon avis. C'est parti, place, c'est la plus grosse gamelle. Mind your business. Thank you. 19. Thank you. Les 20 titres indispensables sur Galaxy numéro 17. I'm C'est les 28 incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 16 à l'instant. Ça perd cette place, c'était It's Everything Big Disc. Numéro 17, Neon Judgment avec un vieux titre des années 80-84, TV Treated. C'est le remix de Dave Clark numéro 17. Et la première entrée, il y en a deux au total, c'était Kurt Bacalé avec le titre Winterland, le remix de Peter Dandoff avec l'accent en plus du samedi. Bon, restez avec nous. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Les soirées sur Galaxy. Lundi, urbaine et décalée. Mardi, tech house, électro, minimal. Mercredi, rétro and classics. Le dimanche, techno, art style, jump style et hardcore. Et dès le jeudi et tout au long du week-end, les musiques électroniques se mixent et s'expriment en toute liberté. Liberté sur Galaxy, sur Galaxy. 15. Flex, et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 14. C'était la meilleure entrée pour Patrice Baumel et le titre In This World. C'était une proposition la semaine dernière. Bon après-midi, restez avec nous. Les 20 titres indispensables. Numéro 13. Vibrate.

Galaxy. Galaxy, un rétro n'est jamais de trop. Un rétro n'est jamais de trop. Saison du Flake Kiss, c'est le Flake Blood X numéro 1 avec I Think I Like It. Bienvenue, bon après-midi, il est 17h. Flycase numéro 20. Allez, on y va, voici le récapitulatif. Position numéro 20 cette semaine, ça perd 10 places. C'est la plus grosse gabelle pour Claude Lansrock avec Mind Your Business. Numéro 19, grosse gamelle également, 8 places de moins. À mon avis, c'est la dernière semaine. C'est à vous de voter Facebook Flycase, Bassy Grub avec Baby Dance. Numéro 18. Numéro 18, la première entrée pour cette semaine, Kurt Backgallet et le titre Winterland. C'est le remix de Peter Dundoff. Neon Judgment, ça fait plaisir de réentendre un vieux titre pareil, TV Treated. Ça vient d'être remixé par Def Clark. C'est la position numéro 17 et ça gagne 2 places. Ça regagne du terrain, eh oui. Numéro 16. 7 places au moins cette semaine pour cet texte numéro 1, It's Everything Big Disc. Numéro 15. Ça gagne 3 places cette semaine, Mute, avec le titre REJ numéro 15. Numéro 14. C'est la meilleure entrée pour cette semaine, il s'appelle Patrice Bommel, le titre In This World. 13. 7 places de moins cette semaine, c'est la position numéro 13, Detroit Swindle avec House Music. Ça bouge pas mal dans les 10 premiers, vous allez voir tout à l'heure. Si plaisamment pour cet ex numéro 1 du Flakez, Audio Jack avec Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Numéro 11. Et enfin, numéro 11, un vieux titre disco remixé, remis et corrigé par Jen Faris. Ça s'appelle Time numéro 11, ça perd 4 places. Numéro 10. Alors attention, gros nettoyage au printemps dans les 10 premiers. On va s'écouter ça tout de suite d'ailleurs. Numéro 10, ça gagne 7 places cette semaine. C'était entré la semaine dernière, Usul Selçuk et le titre Out of My Head. Bon après-midi, c'est le Flakez jusqu'à 18h. Peut-être un nouveau numéro 1 tout à l'heure. Further into sin. numéro 9. Les éléments titres indispensables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position de mon neuf, c'était Fine Base avec Rotendo. Ça gagne 4 places. On vous l'a dit, pas mal de changements dans les 10 premiers cette semaine. Et puis 7 places de mieux juste auparavant. C'était Usul Selçuk. On adore ce titre, Out of My Head. C'est numéro 10. Les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galactique. Numéro 8. sur Galaxy, numéro 7. If house is a nation, I wanna be president, president. On aime le tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 6, un son 6 places de mieux pour Man Without a Clue avec Push Me Round, pointé numéro 7, 7 places de mieux pour DJ Roland Clark avec House Nation et numéro 8, ça gagne 8 places cette semaine, on vous l'a dit, beaucoup beaucoup de changements dans les 10 premiers, numéro 8, ça gagne 8 places, Carrier District avec Techno Disco. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy, et toute la tribu sera là ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme Beck, vous allez retrouver 21h Franck Lido, 22h Digitom, à 23h Marty, minuit Digistorm, 1h DJ Gus pour clôturer cette soirée jusqu'à 2h du mat. Tout de suite, petite pause dans ce classement du Flakez. On adore ce titre, petite découverte, la voix est absolument sublime. Le groupe s'appelle Tepno et le titre Me and My Guitar. Thought it would be just me and my guitar. Galaxy. On ne vous dira pas qu'on est mieux que les autres. On ne les écoute pas. Parting ways with your tongue, that bit of hell if I last.

podium cette semaine. C'est la position numéro 4 dans le classement du Fly Keys à l'instant. Pig and Dan, c'était le numéro 2 la semaine dernière. Et ça perd deux places. Pig and Dan avec Growler. Et juste pour avant, c'était le Nomi Rampa and Me avec Tesla. Et encore une petite découverte Galaxy. Et ça nous fait bien plaisir. Ça perd une petite place dans quelques instants, le podium. Et puis, on a un petit peu d'avance, donc un bon vieux souvenir. C'est dans quelques secondes, Nelly Lunken avec Open Your Eyes. Galaxy. Voici une page d'histoire de la musique électronique. Better when you let's get intimate. Kissing where you know I can't handle. friend. You won't stop, don't stop touching it. I wanna scream when you bite my lip. And if it's too much, better tell me quick. I wanna get my lips around you, pull you in. I like it better, better when I like it better, better when I like it better, better when I like it better when I hurt. Numéro 2 cette semaine dans le classement du Flycase, c'était DJ SKT avec Dirty. Flycase, égal Flycase, numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. Numéro 10, ça gagne 7 places, Usul Selçuk avec le titre Out of My Head. Can't see the end, I'm numéro 9. Numéro 9, Fine Bass avec le titre Rotendo, ça gagne 4 places cette semaine. Changement dans les 10 premiers, 8 places mieux pour la position numéro 8, Carriol District avec Techno Disco, c'est leur mix Kink. Numéro 7. Numéro 7, ça gagne 7 places cette semaine, DJ Roland Clark avec House Nation. Les au mieux. Cette semaine, c'est la position numéro 6, Man Without the Clue, c'était l'entrée la semaine dernière avec Push Me Around. Numéro 5. On approche tout doucement du podium de tête. Numéro 5, une place au moins pour Nomi Rumpa Enemy avec Tess Like. Numéro 4. Numéro 4, deux places au moins pour Pig and Dan avec Roller. C'est un ex numéro 1 également de ce classement. Numéro 3. Ça grimpe, le voici sur le podium. Jay Lumen and Wed avec le titre Dirty Groove. Numéro 3, ça gagne 5 places. Et enfin, numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes. On adore ce titre, DJ SKT avec Dirty, ça gagne une place. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Pas de grosse surprise, c'est encore toujours le numéro 1, pas de changement par rapport à la semaine dernière et par rapport à la semaine d'avant d'ailleurs. Denise Cruz, ça s'appelle Sea Line Woman, c'est le remix de Wed et c'est pointé numéro 1. It's as close to God as I know. These are lovely, the structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's... And so the whole fucking body. We'll be right back. dancing with, with a rag on her head. See la woman dancing with, with a rag on her head. Le classement du Flakeys à l'instant, c'était Dennis Cruz avec le titre aussi Live Moment, le remix de Wad. Bah voilà, Flakeys, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de voter, évidemment, Facebook, Flakeys, toutes vos propositions, on écoute tout. On fait une petite sélection et puis on vous fait un petit résumé, comme ça, tous les samedis entre 16h et 18h. Dans un tout petit instant, musique non-stop avec In and Out, en non-stop, et oui, jusqu'à 20h. Et puis n'oubliez pas tous vos mix habituels à partir de 20h avec Jérôme. 21h Franck Lido, à 22h DJ Tom, 23h Marty, minuit DJ Storm et à 1h du mat DJ Gus pour clôturer cette soirée mix. Passez d'excellents moments, restez avec nous, vous êtes sur Galaxy. In and Out sur Galaxy.